avec ma clique. C'est toujours le même son depuis que nous couvons. Tant pis si c'est pour toujours les mêmes que les couvons. Même si c'est plus varié à présent que les radios balancent, je vois aucun compromis coup de gueule lorsque le débalance. Est-ce que ça a vraiment basculé du bon côté de la balance? Je m'efforce à chaque fois bonhomme pour que ta bataille aille bien plus loin qu'un bon mélange de weed de ta bataille. Dans les annales du son, soit Gravita, Dylan, son logo. Et ceux qui t'a mettent foutent le spell dans ses locaux. Passer pour un taré comme dit Roca, mucho loco. Que le petit nourrit devienne green brand flambé d'un loco. Et quoi se mettre sous la dent et faire avancer la loco. Que tu salives devant du rap, le live du Keta salif. Car pour la sélection, hip hop demeure toujours en calife. Et la question, Jean-Jean, c'est pas encore la bourse d'un calife. Passe-moi un mic, un calibre, bosse pas avec un calife. Lorsque le rap champion arrive enfin, un point nommé. Lorsque le rap champion arrive enfin, un point nommé. Lorsque le rap champion arrive enfin, un point nommé. Depuis les jaloux conçus pour durer ou le noblat. Ça demeure, ça reste pour le même but, le même principe qu'on vit. Que tu sois dans le rock, la techno, je ne sais quoi, je t'y convie. Même si ici les gosses préfèrent les guns aux fruits confits. Mais dis-toi que l'Obamingi, Obamaka, comme dit Kofi. A chaque fois qu'on me propose une te fait une soirée méga. C'est toujours que je viens en solo sans la présence de méga. Si tu crois que ça peut m'égaler, rayon ambiance, personne ne m'égale. C'est leur autodidacte. On connaît déjà, ok, merci, t'es digent. Mais c'est pas ça mon concert qui t'aidera à rentrer des gens. J'irai pour tous les critères sociaux, surtout pour ceux qu'on dit jeunes. Qui font le beurre à Pierre-Luc et Guillaume quand on déjeune. Actif, plein de rebondissements, pas bateau comme acide comme attention. Mon but, mes intentions sont explicites comme Mac Tyson qui t'a m'emporté de bouffer l'oreille. Que je perde ma licence et qu'à la fédé mon blason ray. J'ai plus succès comme les keufs, le dealer à Bill Gates. Je prépare mon OPA comme Microsoft, le fameux Bill Gates. Lorsque le rap champion arrive enfin, un point nommé. Lorsque le rap champion arrive enfin, un point nommé. Lorsque le rap champion arrive enfin, un point nommé. C'est pas le peu que t'effectues qui va me freiner. Tu fais pas le poids, t'as pas de peau, c'est pas de pique dans le rap. On se met à palper, je vais faire le faux, les rimes de faiblard. Rap de t'aspect, change pas d'esprit, seulement d'espace et un peu d'aspect. Et esprit, le même avis sur flic, keuf, te respecte, je te respecte. La preuve t'apprécie, t'as pas besoin d'aspro. Comment esprit, le rap facile de la lèche, beaucoup se laisse prendre, pas je laisse faire. À me boire, tu peux me croire, parole d'expert. Quand je respire canutier, le fric ne rince pas, garde espoir. Pour cela, prends tout ça pour du sport. Ce qu'ils disent pas, ce que t'éprouves enfin, ce pieu, ce transport, c'est trans pour que tu saches qu'on transpire pour que le vrai transperce. Lorsque le rap champion arrive enfin, à point nommé. Lorsque le rap champion arrive enfin, à point nommé. J'ai pas le temps de jouer, je l'ai fait en 10, tu peux l'écouter.